Avant la musique, il y a l'esprit de la famille. Du nord au sud, t'entendras parler des fruits de nos efforts. L'amour qu'on me donne comme vitamine, sache que je suis fier de ce que j'ai. Avant la musique, il y a les brouhahs, les conflits d'intérêts, les querelles. Parce qu'on veut tous sortir de nos douars à nous. Les pestiférés en France, comme un chewing gum comme sous la semelle. Assis du nid en cours de latin, nid en cours d'arabe. Ouais, je mets du rap, je mène ma vie à côté. J'ai quatre mesures, on va en papoter. Tire une grosse taf, évite de crapoter. Je peux pas mentir sur ce que la zik m'a rapporté. Très peu de pif, mais du kiff, des gens sur qui je peux compter. Avant la musique, il y a l'esprit de la famille. Se bâtir a vécu, mon rap a le sens du sacrifice. Me souviens pas de ce que j'offre et j'oublie pas qui m'a trahi. Dévoué quand c'est un Marcel qui m'a donné la vie. Autoproclamé MC, je pratique mon art, la photo prof. Avant la musique, la vie me passionne comme Molotov, frérot. Du nord au sud, t'entendras parler des fruits de nos efforts. Il renaîtra de ses cendres si tu crois que le rap est mort. Espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Le sourire des miens, le pétrole de mes rétines. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Très peu de bif, mais du kiff, des gens sur qui je peux compter. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Avant la musique, il y a l'esprit de la famille. Il y a de l'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. 3000 pour 1000 ce que dit, la part c'est Rems. Un disque d'or pour tous les frères que la France a maudit. Respect à tous nos blocs et taudis. Roule la misère en BMW ou Audi. Il y a le sourire des miens, le pétrole de mes rétines. Les contrôles de routine, ceux qui vont mourir pour un rien. Un loup à nourrir, un autre en face à détruire. Des iscariotes trop fiers à fuir, la terre entière à parcourir. Back from the dead, black comme Garvey. Mes phalanges serrent le mic, marque mon territoire. Perdu loin de ma terre d'ivoire, je l'évite. Les villes s'évident, sauf vu des toits, je me délivre. Le pic entre les doigts. Je veux voir toucher l'horizon, besoin de le saisir aussi. Bouger sans pression, paraître ma dernière et plaisir nocif. Tout est sans raison, m'écrouler, devenir hostile. Entre l'arrêt et la manière, m'évader loin de ces idioties. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Du nord au sud, t'entendra parler des fruits de nos efforts. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. L'amour qu'on me donne comme vitamine, sache que j'ai bien ce que j'ai. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Y'a de l'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Le diable ne s'habille plus en Prada. Petit frère a des plaquettes planquées dans la capa. C'est la cabane, mais dans les caves, c'est la caverne d'Ali Baba. Je te montre le ciel, mais toi tu mates mon doigt, ton cœur ne répond pas. Sans nitroglycérine, la faune, j'ai guise mes lits, c'est trop. J'évite le pyrimis, mes lignes écrites des récits noirs qui plaît au pi comme la plupart. Tu n'es pas compris, donc on conspira pas. Suivre leur sa spirale, notre est rapé, nous on le salira pas. Les gens s'en foutent du rap conscient, j'entends que dans la capitale. C'est oublié comme Trezeguet après le coup de boule à Zidane. Comme tous les potes depuis l'époque, la vie nous passionne. Les bons moments se partagent. La famille c'est mon calcium. Avant la zig, y'a la famille, la femme, le taf et les frères que j'aime. L'amour qu'on me donne comme vitamine, sache que je suis fier ce que j'ai. La vie me passionne, sans bien conscient de ce que les potos t'offrent. Faut s'éloigner du monotone, big up à mon automne. Remix. Avant la musique.